35e chapitre. Comment je rapportai de Constantine un vautour qui me coûta 40 000 francs à moi et en coûta 10 000 au gouvernement. Pendant que nous faisions, sur la route de Crépy à Compiègne, la culbute que j'ai eu l'honneur de vous raconter dans le chapitre précédent, deux hommes, escortés de deux spahis et de quelques domestiques indigènes et européens, suivaient, au retour d'une longue tournée qu'ils venaient de faire, la route de Blida à Alger. « C'est bien étrange, disait l'un de ces deux hommes à l'autre, que le magnifique pays que nous venons de parcourir soit si peu connu. Savez-vous un moyen de le populariser ?» Celui auquel s'adressait cette question parut réfléchir un instant, puis tout à coup, « Savez-vous ce que je ferais, monsieur le ministre, si j'avais l'honneur d'être à votre place ? Je m'arrangerais de manière que Dumas fit le voyage que nous venons de faire et écrivit 2 ou 3 volumes sur l'Algérie. » Dumas est à la mode dans ce moment-ci. On lira son livre, quoique ce soit un livre de voyage, et sur 3 millions de lecteurs qu'il aura, peut-être donnera-t-il à 50 ou à 60 000 le goût de l'Algérie. « C'est une idée, dit le ministre, j'y songerai. » Les deux hommes qui me faisaient ainsi l'honneur de s'occuper de moi sur la route de Blida à Alger étaient l'un M. de Salvandi, ministre de l'Instruction publique, et l'autre, notre illustre voyageur et mon cher ami à moi, Xavier Marmier. Et M. de Salvandi pensa si bien à la proposition qui lui avait été faite qu'un bon matin du mois de septembre, je reçus l'invitation de dîner chez lui. Je m'y rendis, fort étonné de l'honneur qu'il me faisait. Je ne le connaissais que parce qu'il avait été chargé par M. le duc d'Orléans de nous donner, à Hugo et à moi, à Hugo la croix d'officier de la Légion d'honneur et à moi celle de chevalier. À cette époque, pour que notre nomination ne fît pas un trop grand scandale, il avait jugé à propos de nous adjoindre un brave garçon nommé Gris de Bruzelin. Comme il n'y avait aucun motif de donner la croix à ce dernier, M. de Salvandi avait pensé qu'il ferait à lui tout seul un contrepoids suffisant à Hugo et à moi. M. de Salvandi avait bien aussi fait, dans son jeune temps, une espèce de roman intitulé « Alonso ou l'Espagne ». En je ne sais plus quel siècle, mais cela ne le faisait pas assez mon confrère pour lui donner l'idée de cultiver ma connaissance. Que pouvait donc me vouloir, monsieur de Salvandi? Ce n'était pas pour me faire officier de la Légion d'honneur. Ces idées-là ne viennent pas d'elles-mêmes au ministre, surtout à l'endroit des gens qui le méritent. Je me rendis donc au dîner de monsieur Salvandi, sinon fort inquiet, du moins passablement préoccupé. Monsieur de Salvandi me fit sa meilleure mine, ses plus blanches dents, et après le café, m'entraînant par le bras dans le jardin du ministère. « Mon cher poète, me dit-il, il faut que vous nous rendiez un service. » « Un poète rendre un service à un ministre, je le veux bien, ne fût-ce que pour la rareté du fait. De quoi s'agit-il? Avez-vous des dispositions prises pour votre hiver? Moi ? Est-ce que je prends jamais des dispositions? Je vis comme les oiseaux, sur une branche. S'il ne fait pas de vent, j'y reste. S'il fait du vent, j'ouvre mes ailes et je m'en vais où m'emporte le vent. Et auriez-vous quelque répugnance à ce que le vent vous emportât vers l'Algérie? Aucunement. J'ai toujours eu, au contraire, la plus grande envie d'aller en Afrique. J'allais partir le 26 juillet 1830 à 5 heures du soir, lorsqu'à 5 heures du matin parurent dans le moniteur les fameuses ordonnances. Il en résulta que le soir, au lieu de prendre la malle-poste, je pris mon fusil et que, 3 jours après, au lieu d'arriver à Marseille, j'entrai dans le Louvre. Eh bien, si votre désir est toujours le même, je vous offre de vous aider à faire le voyage. « Ouf !» répondis-je, « les temps sont bien changés. Il y a 16 ans, j'étais un jeune homme, une espèce de bachelier de Salamanque, courant les grands chemins à pied, le havresac sur le dos, le bâton ferré à la main. Aujourd'hui, je traîne toute une suite après moi. Je ne sais plus rien faire tout seul. C'est toute une affaire que ce voyage. » Aussi, me dit le ministre, ai-je consacré 10 000 francs à cette mission. Voyons, tenez-vous beaucoup à ce que j'aille en Algérie? Mais oui, puisque je vous le propose. Cela vous fera-t-il grand plaisir? Très grand plaisir. Eh bien, j'ajouterai 40 000 francs de ma poche aux 10 000 francs que vous m'offrez, et je ferai le voyage. Monsieur de Salvandi me regarda tout ébahi. « Dame, c'est comme cela, lui dis-je. Vous ne vous figurez pas que je vais voyager comme un herboriste. Je compte inviter 3 ou 4 amis à venir avec moi. Puisque vous m'envoyez représenter la France en Algérie, je veux faire honneur à la France. » Monsieur de Salvandi avait cru d'abord que je plaisantais, mais il avait fini par voir que je parlais sérieusement. Puis, ce n'est pas tout, lui dis-je. Si je vais en Algérie, je désire y aller avec toutes les facilités de voyage que peut me donner le gouvernement. Ah, ça, mais vous êtes bien difficile, me dit le ministre. Je suis difficile comme un homme qui peut y aller sans vous et qui, y allant pour vous, fait ses conditions. Cela vous gêne-t-il? Je ferai mon voyage comme je l'entendrai. Mais alors, vous le ferez donc? Ma foi, oui, vous venez de m'en donner l'idée. Maintenant, j'en meurs d'envie. Non, ce n'est pas comme cela que je l'entends. Je veux que vous y alliez, mais avec une mission. Voyons, qu'alliez-vous demander quand je vous ai interrompu? Voulez-vous que nous vous fassions officier de la Légion d'honneur? Merci. Je n'ai aucune ambition de ce côté-là. J'ai été fait chevalier par ce pauvre duc d'Orléans que j'aimais de tout mon cœur. S'il était là pour me faire officier, je me laisserais peut-être faire officier. Mais il n'y est pas, à mon grand regret, et j'aime autant rester ce qu'il m'a fait que de devenir autre chose. Mais enfin, que voulez-vous donc? Je veux qu'un bâtiment de l'État soit mis à ma disposition et à celle de mes compagnons, afin de parcourir les côtes d'Algérie, non pas selon le caprice de vos officiers, mais à ma fantaisie. Ah, ça! Mais vous demandez qu'on fasse pour vous ce que l'on fait pour les princes. Tout simplement. Si vous ne faites pas pour moi ce que l'on fait pour tout le monde, il est inutile de me déranger. Je n'ai qu'à écrire un mot à la direction des messageries, et j'aurai, à bord de ces bâtiments, non seulement mon passage pour l'Algérie, mais pour toute la Méditerranée. Eh bien, alors, soit, vous aurez votre bâtiment. Mais si vous croyez que ce sera une économie pour vous, vous vous trompez fort. Une économie? Vous croyez que j'ai pensé, moi, à une économie quelconque? Pour un ministre de l'Instruction publique, vous êtes, permettez-moi de vous le dire, bien mal instruit. Maintenant, quand désirez-vous partir? Quand vous voudrez. J'ai 2 ou 3 romans à finir, mais c'est l'affaire de 15 jours. J'ai quelques coupons de chemin de fer à vendre, mais c'est l'affaire d'une heure. Alors, dans 15 jours, vous serez prêt? Parfaitement. Et votre théâtre historique? On l'achèvera pendant mon absence. Je saluai Monsieur le ministre de l'Instruction publique et nous nous séparâmes. Le lendemain, j'avais l'honneur de dîner à Vincennes avec Monsieur le duc de Montpensier. Je lui racontai la singulière idée qu'avait eue Monsieur le ministre de l'Instruction publique de me faire un voyage en Afrique pour populariser l'Algérie. Eh bien, me dit-il, c'est une excellente idée qu'il a eue là, surtout si vous passez par l'Espagne. Et dans quel but passerai-je par l'Espagne, monseigneur ? Dans le but de venir à Manos. Vous savez que je me marie le 11 ou le 12 octobre. Je vous remercie beaucoup, monseigneur, et c'est un grand honneur qu'il me fait. Mais que dira le roi ? Votre Altesse sait qu'il ne partage pas précisément l'amitié qu'elle me porte. Le roi ne le saura qu'après, et puis, du moment qu'il vous trouve bon d'aller en Algérie, il doit vous trouver bon pour aller à Madrid. En somme, que cela ne vous inquiète pas, c'est moi qui me marie et je vous invite. J'accepte, monseigneur, et avec reconnaissance. Nous étions au 20 ou 25 septembre. Monsieur le duc de Montpensier se mariait le 11 ou 12 octobre. Il n'y avait donc pas un instant à perdre si je voulais être à Madrid 2 ou 3 jours avant le mariage. Je commençai par réaliser les fonds nécessaires à ce voyage. J'avais, pour une 50 000 francs, 2 coupons de chemin de fer de Lyon. Ils ne perdaient guère qu'un 1/5 à cette époque. La situation était favorable pour vendre. Je me hâtai de faire 40 000 francs d'argent avec mes 50 000 francs de coupons. Quant aux 10 000 francs du gouvernement, comme ils étaient pour l'Algérie, je ne voulus les toucher qu'en Algérie et fis envoyer mon crédit à monsieur le maréchal Bugeaud. Ces 2 précautions prises, le plus fort était fait. Il ne s'agissait plus que de mes compagnons de voyage. J'écrivis à mon fils et à Louis Boulanger. Je pars demain soir pour l'Espagne et pour l'Algérie. Veux-tu venir avec moi ? Si oui, tu n'auras à te préoccuper que d'une malle. Seulement, choisis la plus petite. À toi, Alex Dumas. J'écrivis la même lettre circulaire à Maquet en substituant seulement le « vous » au « tu ». Tous 3 me répondirent qu'ils acceptaient. Restait à trouver le domestique modèle qui devait à lui seul avoir charge de veiller sur les colis et s'ingénier autant qu'il lui serait possible à ce que les 4 voyageurs ne mourussent pas de faim. Je dis à trouver parce que aucun des domestiques que j'avais à cette époque n'était l'homme du voyage. Alexis était trop jeune, le cocher était trop spécial. Quant à Michel, je n'ai jamais cru pendant un seul instant, pendant les 12 ans qu'il passa chez moi, qu'il fût à mon service. Michel était purement et simplement à son service à lui. Seulement, comme Michel aimait beaucoup les animaux, Michel me faisait à croire que c'était moi qui les aimais, et pour sa plus grande satisfaction personnelle, il multipliait les bipèdes, les quadrupèdes et les quadrumanes. C'est ainsi que je me trouvais à voir, au dire de Michel, 12 ou 15 poules de races inconnues, 5 ou 6 coqs des espèces précieuses, 2 chiens dont l'un, comme on l'a vu, avait voulu me manger, 3 singes et 1 chat qui avaient fait contre mes colibris, mes bengalis et mes cailles l'expédition que vous vous rappelez peut-être. Michel devait donc rester avec ses animaux, ou si j'emmenais Michel, il me fallait emmener ses animaux avec lui. Sur ces entrefaites, le hasard vint à mon aide. Remarquez que je n'ai pas la fatuité de dire la providence. Je laisse la chose aux têtes couronnées. Chevet, à qui je devais une note de 113 francs, ayant entendu dire que je partais pour un voyage autour du monde, fut bien aise de rentrer dans le total de sa note avant que je quittasse Saint-Germain. Il m'apparut donc un matin en personne, son addition à la main. Son addition réglée, je lui demandai si par hasard il ne connaîtrait pas un bon domestique qui voulût venir avec moi en Espagne et en Algérie. « Oh, monsieur, me dit-il, comme ça tombe, j'ai une perle à vous offrir, un nègre. Perle noire, alors. Oui, monsieur, mais une véritable perle. Diable, je vais, j'ai déjà un nègre de 10 ans qui est paresseux à lui seul comme 2 nègres de 20 ans s'ils vont à 20 ans. C'est juste son âge, monsieur. Il sera paresseux comme 2 nègres de 40 ans alors. Monsieur, ce n'est pas un vrai nègre. Comment, il est un ? Non, monsieur, c'est un arabe. Ah, diable, un arabe. Mais c'est précisément pour aller en Algérie. À moins, toutefois, qu'il ne parle arabe comme Alexis parle créole. Monsieur, je ne sais pas comment Alexis parle créole, mais je sais qu'un officier de Spahi est venu l'autre jour à la maison et qu'ils ont haché de la paille, Paul et lui. Il s'appelle Paul. Il s'appelle Paul pour nous autres. C'est son nom français. Mais pour ses compatriotes, il a un autre nom, un nom arabe qui veut dire « eau de benjoin ». Vous en répondez, Chevet ? Comme de moi-même. Alors, envoyez-moi votre eau de benjoin. Ah, monsieur, vous verrez quelle acquisition vous venez de faire. Un valet de chambre du plus beau ton qu'il soit possible de voir, entre le citron et la grenade, parlant 4 langues, sans compter la sienne, bon à pied, bon à cheval, n'ayant qu'un défaut, c'est de perdre tout ce qu'on lui confie. Mais vous comprenez, en ne lui confiant rien. C'est bien, Chevet. Merci, merci. Par le convoi de 4 heures, je vis arriver Eau de Benjoin. Chevet ne m'avait pas trompé. Eau de Benjoin n'avait rien du front déprimé, du nez aplati, des grosses lèvres nègres, du Congo ou du Mozambique. C'était un arabe abyssin, avec toute l'élégance des formes de sa race. Comme l'avait dit Chevet, il était d'un ton de peau qui eût fait le bonheur de Delacroix. Voulant juger ses connaissances, tant vantées en philologie, je lui adressai quelques mots en italien, en anglais et en espagnol. Il y répondit assez juste, et comme il parlait très bien français, j'arrivai à être convaincu, comme Chevet, qu'il savait 4 langues, sans compter la sienne. Maintenant, comment cette goutte de senteur nommée Eau de Benjoin était-elle éclose au penchant des monts Samen entre les rives du lac d'Ambra et les sources du fleuve Bleu? C'est ce qu'Eau de Benjoin ne put jamais me dire lui-même et par conséquent, ce que je ne vous dirai pas. Seulement, tout ce que l'on pouvait distinguer dans les ténèbres de son premier âge, c'est qu'un Anglais, un gentleman traveller qui venait de l'Inde par le golfe d'Aden eut l'idée de remonter le fleuve Anazo, de passer par Emfras et Gondar, s'arrêta dans cette dernière ville, y vit le jeune Eau de Benjoin âgé de 5 ou 6 ans et le trouvant à sa guise, l'acheta de monsieur son père, moyennant une bouteille de rhum. L'enfant suivit son maître, pleura pendant 2 ou 3 jours ce qu'il pouvait avoir de parents. Puis, subissant l'influence de la variété des objets, si grande chez les enfants, surtout, il arriva au bout d'une semaine à peu près consolé aux sources de la rivière Rahad. L'Anglais descendit la rivière Rahad jusqu'à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Bleu. Puis il descendit le fleuve Bleu jusqu'à l'endroit où il se jette dans le Nil Blanc. Il s'arrêta 15 jours à Khartoum, reprit sa course et 2 mois après arrivait au Caire. Pendant 6 ans, Eau de Benjoin resta avec son Anglais. Pendant ces 6 ans, il parcourut l'Italie et apprit un peu l'italien, l'Espagne et apprit un peu l'espagnol, l'Angleterre et apprit un peu l'anglais. Enfin, il stationna en France où il apprit réellement beaucoup de français. L'enfant du lac d'Ambra se trouvait à merveille dans cette vie nomade qui lui rappelait celle de ses ancêtres, les rois pasteurs, car Eau de Benjoin avait si grand air que j'ai toujours prétendu, et que je prétends encore, qu'il devait descendre des conquérants de l'Égypte. Aussi, s'il n'eût tenu qu'à lui, malgré le proverbe émis par le bon roi Dagobert, il n'eut jamais quitté son anglais. Mais ce fut son anglais qui le quitta. C'était un grand voyageur que cet anglais. Il avait tout vu. Il avait vu l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et même l'Océanie. Il avait tout vu dans ce monde. Il résolut de visiter l'autre. Tous les matins, à 7 heures, il avait l'habitude de sonner au de Benjoin. Un matin, il ne sonna point. À 8 heures, Aude Benjoin entra dans sa chambre et le trouva pendu au plafond avec le cordon de sa sonnette. Cela expliqua pourquoi il n'avait pas sonné. L'anglais était généreux. Il avait même eu le soin, avant de se pendre, de laisser un rouleau de Guinée à Aude Benjoin. Mais Aude Benjoin n'était pas économe. En véritable enfant des tropiques, il aimait tout ce qui brillait au soleil. Pourvu que cela brillât, peu lui importait que ce fût du cuivre ou de l'or, du verre ou de l'émeraude, du paillon ou du rubis, du strass ou du diamant. Il employa donc ses guinées à acheter tout ce qui brillait, entremêlant ses achats de quelques gorgées de rhum. Car Aude Benjoin aimait fort le rhum, ce qu'avait oublié de me dire Chevet, pensant sans doute que je m'en apercevrais bien tout seul. Quand Aude Benjoin eut, je ne dirais pas mangé, c'était un médiocre mangeur que le pauvre garçon, mais jeté au vent sa dernière guinée, il comprit qu'il était temps de chercher une nouvelle condition. Comme il était beau, avenant en tout point, qu'il avait l'œil et le sourire franc, les dents blanches, il eut bientôt trouvé un nouveau maître. Ce nouveau maître était un colonel français, qui l'emmena en Algérie. En Algérie, Paul se retrouva presque en famille. C'était sa langue maternelle que les Algériens parlaient, ou plus exactement, il parlait la langue maternelle des Algériens, avec beaucoup plus de pureté et d'élégance qu'eux, car il parle, lui, l'arabe en l'empruntant à sa source primitive. Il resta 5 ans en Algérie, pendant lesquels, 5 années, la grâce du Seigneur l'ayant touché, il se fit baptiser sous le nom de Pierre, afin sans doute de se réserver, comme son saint patron, la faculté de renier Dieu 3 fois. Malheureusement, Aude Benjoin avait oublié, en choisissant ce nom, que c'était aussi celui de son maître. Il en résulta que le colonel, ne voulant pas avoir un domestique qui s'appela comme lui, débaptisa Aude Benjoin du nom de Pierre et l'appela Paul, pensant qu'il ne pouvait que lui être agréable de passer du patronage de l'apôtre qui tient les clés au patronage de l'apôtre qui tient le glaive. Au bout de ces 5 années que nous avons déjà relatées, le colonel de Paul fut mis à la retraite. Il revint en France pour réclamer contre l'ordonnance. Mais l'ordonnance fut maintenue. Et le colonel, réduit à la demi-solde, déclara à Paul qu'à son grand regret, il était obligé de se séparer de lui. Il y avait une distinction fâcheuse entre le colonel et l'anglais. C'est que le colonel, restant vivant et ayant besoin de ses écus jusqu'au dernier jour, ne donna juste à Paul que la somme qui lui était due pour ses gages. Et cette somme se montait à 33 francs et 50 centimes qui glissèrent promptement entre les doigts basanés de Paul. Mais au service de son colonel, qui était un fin gourmand, Paul avait fait une belle connaissance. Paul avait fait la connaissance de Chevet. On a vu comment Chevet me l'avait recommandé en me disant que c'était un excellent domestique qui n'avait qu'un défaut, celui de perdre tout ce qu'on lui confiait. J'ai dit quelque part, dans les lignes précédentes, que Chevet avait oublié de m'avertir que Paul avait un goût prononcé pour le rhum. J'ai ajouté que Chevet avait pensé que je m'en apercevrais bien tout seul. Or, Chevet s'était fait une trop haute idée de ma perspicacité. Je voyais bien de temps en temps Paul, se levant sur mon passage et se mettant au port d'armes, roulés de gros yeux qui, de blanc, étaient devenus jaunes. Je remarquai bien qu'il appuyait d'une façon désespérée son petit doigt à la couture de sa culotte, pose gracieuse et militaire à la fois qu'il avait prise chez son colonel. J'entendais bien qu'il mêlait confusément l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien. Mais, absorbé par mon travail, je faisais une médiocre attention à ces changements superficiels et je continuais à être fort content de lui. Seulement, selon la recommandation de Chevet, je ne confiais rien à Paul, si ce n'est la clé de la cave, que, contrairement à ses habitudes, il n'a jamais perdue. Je restais donc dans mon ignorance de cette fatale habitude de Paul jusqu'à ce qu'une circonstance inattendue me la révéla. Parti un jour pour aller à une chasse où je devais rester toute une semaine, je revins le lendemain sans être attendu et selon mon habitude, en rentrant, j'appelai Paul. Paul ne répondit pas. J'appelai Michel. Michel était dans le jardin. J'appelai la femme de Michel, Augustine. Augustine était allée faire son marché. Je pris mon parti et je montai à la chambre de Paul, craignant qu'il ne se fût pendu comme son ancien maître. Au premier coup d'œil, je fus rassuré. Paul, pour le moment, avait complètement abandonné la ligne perpendiculaire pour la forme horizontale. Paul, tout habillé, en grande livrée, était couché sur son lit, aussi raide et aussi immobile que s'il eût été embaumé par le système de M. Ganal. J'avoue que, si je ne le crus pas tout à fait embaumé, je le crus à peu près trépassé. Je l'appelai, il ne répondit pas. Je le secouai, il ne bougea point. Je le levai par les épaules, comme Pierrot lève Arlequin, pas une articulation ne plia. Je le posai sur ses jambes, et comme je vis qu'un point d'appui lui était absolument nécessaire, je le collai au mur. Pendant cette dernière opération, Paul avait enfin donné quelques signes d'existence. Il avait fait des efforts pour parler. Il avait ouvert de gros yeux, dont on n'avait vu que le blanc. Enfin, ses lèvres arrivèrent à articuler un son inintelligible et il demanda, d'un air de mauvaise humeur, « Pourquoi donc me lève-t-on ?» En ce moment, j'entendis du bruit à la porte de la chambre de Paul. C'était Michel qui m'avait entendu l'appeler du fond du jardin et qui arrivait. « Ah, ça ?» lui demandai-je. « Paul est-il devenu fou ?»« Non, monsieur, » me répondit-il. « Mais Paul est ivre. »« Comment Paul est ivre ?»« Ah, oui, monsieur. Aussitôt que monsieur a le dos tourné, Paul a le goulot de bouteille entre les dents. »« Comment, Michel, vous saviez cela et vous ne me l'avez pas dit ?» Je suis ici pour être le jardinier de monsieur, mais non pas Mouchard. C'est vrai, Michel, vous avez raison. Eh bien, maintenant, que vais-je faire de Paul? Je ne peux pas le tenir le long du mur toute la journée. Ah, si monsieur veut dégriser Paul, c'est bien facile. On se rappelle que Michel avait une recette pour toutes les circonstances embarrassantes. Que faut-il faire pour dégriser Paul, Michel? Sacre bleu, Paul, tâche donc de tenir le long du mur. Monsieur n'a qu'à prendre un verre d'eau, y verser 8 à 10 gouttes d'alcali, et forcer Paul à le boire. Paul éternuera et sera dégrisé. Avez-vous de l'alcali, Michel? Non, mais j'ai de l'ammoniac. Cela revient exactement au même. Mettez-moi de l'ammoniac dans un verre, pas trop. Et apportez-moi le verre. 5 minutes après, Michel rentra avec la potion demandée. On desserra les dents de Paul avec un couteau à papier, on y introduisit l'orifice du verre et l'on versa délicatement son contenu qui prit 2 directions. celle de l'ésophage et celle de la cravate. Quoique la cravate eût été certainement plus largement imbibée que le gosier, Paul, ainsi que l'avait prédit Michel, n'en éternua pas moins avec une violence telle que je m'éloignai, l'abandonnant à lui-même. Il chancela un instant, éternua encore, ouvrit de gros yeux fixes et ne prononça qu'un mot qui exprimait toute sa pensée. « Poire !»« Eh bien, maintenant, Paul, lui dis-je, maintenant que te voilà dégrisé, couche-toi, mon ami, et aussitôt éveillé, apporte-moi ton compte. Je n'aime pas les ivrognes. » Mais soit que Paul fût d'une susceptibilité nerveuse inconnue, soit que cette susceptibilité fut surexcitée par l'ammoniaque, Paul, au lieu de dormir comme je lui en donnais le conseil, ou de faire son compte, comme c'était son droit, Paul se mit à se renverser la tête en arrière, à se tordre les bras et à faire des grimaces de possédé. Paul avait une attaque de nerfs et au milieu de toutes ses contorsions, il criait « Non, je ne veux pas m'en aller. Non, je suis bien dans la maison et j'y reste. Je n'ai quitté mon premier maître que parce qu'il s'est pendu. Je n'ai quitté mon second maître que parce qu'il a été mis à la retraite. » Monsieur Dumas n'a pas été mis à la retraite. Monsieur Dumas ne s'est pas pendu. Je veux rester avec Monsieur Dumas. Cet attachement pour ma personne me toucha. J'obtins de Paul non pas la promesse qu'il ne boirait plus, il eut la loyauté de me la refuser, mais celle qui boirait le moins possible. J'exigeai la restitution de la clé de la cave, restitution dont je fus d'autant plus de gré à Paul que visiblement il la faisait à regret, et tout rentra dans l'ordre accoutumé. Ce qui m'avait rendu un peu plus indulgent pour Paul, c'est que quelques jours avant mon départ pour l'Espagne, mon ami de Saulcy était venu me demander à dîner, avait parlé arabe avec Paul et m'avait affirmé que Paul parlait arabe comme Boabdil ou Malek Adel. Le jour venu, nous partîmes donc, Alexandre, Maquet, Boulanger et moi, flanqués d'une ombre noire qui n'était autre que notre ami Paul. Mon intention n'est pas de raconter ici ce fameux voyage d'Espagne où l'on a prétendu que j'allais comme historiographe du mariage de Monsieur le Duc de Montpensier, ni ce plus fameux voyage d'Afrique qui, grâce à Monsieur de Castellane, à Monsieur Léon de Malleville et à Monsieur Lacrosse, eut un si retentissant écho dans la Chambre des députés. Non, mon intention est purement et simplement d'en arriver à l'histoire d'une nouvelle bête que le susdit voyage d'Afrique devait ajouter à ma collection. J'étais à Constantine où, mon fusil à la main, je guettais des vautours tournant en rond au-dessus d'un charnier. Je leur avais déjà envoyé 2 ou 3 balles qui avaient été autant de balles perdues, lorsque j'entendis derrière moi une voix qui me disait « Ah, si vous en voulez un, et un vivant, je vous en ferai vendre un, moi, et pas cher. » Je me retournai et reconnus un gamin du plus pur sang français, du plus populaire quartier parisien, un béni mouftard, comme il s'appelait lui-même, qui m'avait 2 ou 3 fois servi de guide et qui chaque fois avait eu à se louer de ma libéralité. Un beau, magnifique. Quel âge? Il a encore des dents de lait. Mais enfin, 18 mois tout au plus. Vous savez que ça vit 150 ans un vautour. Je ne tiens pas absolument à ce qu'il atteigne cet âge-là. Et combien veut-on le vendre ton vautour? Oh, pour 10 balles, vous l'aurez. Inutile de dire à mes lecteurs qu'au change de l'argot, 10 balles valent 10 francs. Eh bien, béni mouftard, lui dis-je, arrange-moi l'affaire pour 12 et il y aura 40 sous pour toi. Seulement, dit le gamin, comme pris par un remords, il faut que je vous prévienne d'une chose. Quoi? C'est qu'il est méchant comme la gale, ce damné vautour, et qu'il n'y a que celui qui l'a déniché et qui le nourrit, qu'il puisse en approcher. « Bon, lui dis-je, s'il est si méchant que ça, on lui mettra une muselière. » « Oui, mais en la lui mettant, il faudra prendre garde à vos doigts. Avant-hier, il a coupé le pouce à un kabyle, et hier, la queue d'un chien. » « On y fera attention. » Le lendemain, j'étais propriétaire d'un magnifique vautour qui n'avait d'autre défaut, comme m'en avait prévenu le béni Mouftar, que d'avoir l'air de vouloir dévorer tout ce qu'il approchait. Il fut immédiatement baptisé du nom de son compatriote, Jugurtha. Jugurtha, pour la plus grande précaution, m'était livré dans une grande cage faite de fragments de planches, et il avait, pauvre forçat emplumé, autour de sa patte, entouré précautionnellement d'un chiffon, une chaîne de 2 ou 3 pieds de long. Le moment du départ arrivé, nous nous en retournâmes comme nous étions venus, c'est-à-dire tout simplement avec la diligence qui fait le service entre Philippeville et Constantine. Cette diligence avait un avantage. Elle marchait si doucement et faisait de tels détours que les amateurs pouvaient se livrer au plaisir de la chasse tout le long du chemin. Jugurtha aurait bien voulu être un de ces amateurs-là. Il voyait, du haut de son impérial, une foule d'oiseaux qui lui paraissaient ses sujets naturels, et qu'en sa qualité de tyran de l'air, il regrettait évidemment de ne pouvoir manger chair et plumes. Il se dédommagea sur le doigt d'un passager qui, placé sur l'impérial, avait voulu familiariser avec lui. On arriva sans autre incident à Philippeville. À Philippeville, la situation se compliquait. Il restait 2 lieues à faire pour atteindre le port d'embarquement, c'est-à-dire Stora, et la voiture n'allait pas jusqu'à Stora. Il est vrai que le chemin de Philippeville à Stora étant charmant, longeant le golfe, ayant la mer à droite, de belles collines et de jolis bosquets à gauche, ces messieurs avaient décidé qu'ils feraient à pied ces 2 lieues. Mais comment Jugurtha les ferait-il, lui? Il n'y avait pas moyen de mettre sa boîte sur le dos d'un homme. À travers les intervalles des planches, il eût dévoré son porteur. Le suspendre à 2 perches et le mettre en manière de litière sur le dos de 2 hommes, c'était affaire de 50 francs. Et quand on achète un vautour 12 francs, commission comprise, on n'est pas disposé à payer 50 francs pour un transport. J'avisai un moyen. C'était d'allonger sa chaîne de 8 ou 10 pieds à l'aide d'une corde et de le conduire à pied devant moi à l'aide d'une gaule comme les gardeurs de dindons conduisent leurs volatiles. La grande affaire était de forcer M. Jugurtha de sortir de sa cage. En arracher les planches avec les mains, il n'y fallait pas songer. Jugurtha eut dévoré la main avant que la main eût arraché la planche. Je commençai par faire attacher la corde à la chaîne, puis je mis un homme armé d'une pioche à chaque côté de la cage. Chaque homme introduisit sa pioche entre les barreaux, puis chacun se mit à tirer en sens inverse. Deux forces égales, en mathématiques, se neutralisent lorsqu'elles opèrent sur le même objet. Mais quand cet objet a des solutions de continuité, il faut bien qu'il cède et qu'il aille à celui qui tire le plus fort. Il en résulta qu'une planche éclata, puis 2, puis 3, et que toute une des surfaces de la cage se trouva découverte. Comme Jugurtha n'avait pas été privé d'une seule plume de ses ailes, son premier mouvement fut de s'élancer dehors, d'étendre les ailes et de s'envoler. Mais il ne s'envola que de la longueur de sa corde. Hanneton ou vautour, quand on a un fil à la patte, il faut rompre le fil ou rester prisonnier. Jugurtha fut donc forcé de s'abattre. Mais Jugurtha était un animal fort intelligent. Il vit bien d'où venait l'obstacle et que l'obstacle c'était moi. Par conséquent, il s'élança sur moi dans la fallacieuse espérance de me mettre en fuite ou de me dévorer si je ne fuyais pas. Mais Jugurtha avait affaire à un animal aussi intelligent que lui. J'avais prévu l'attaque et j'avais ordonné à Paul de me couper une jolie baguette de cornouiller, grosse comme l'index et longue de 8 ou 10 pieds. J'envoyai de toute volée un coup de ma gaule à Jugurtha, qui parut étonné, mais qui continua son chemin. Je lui ensanglai un second coup à toute volée, qu'il arrêta court. Enfin, je lui en allongeai un troisième, qui lui fit prendre la route opposée, c'est-à-dire le chemin de Stora. Une fois sur ce chemin, je n'eus qu'à lui ménager adroitement les coups de gaule, et Jugurtha fit ses 4 ou 5 kilomètres à peu près du même pas que nous, à la grande admiration de mes compagnons de voyage et Jean qui nous croisaient sur le chemin. Arrivé à Stora, Jugurtha monta sans difficulté aucune dans le bateau, du bateau sur le véloce, s'installa sur le beaupré et attendit, attaché à la base du mât, qu'une nouvelle cage lui fut confectionnée. Il y entra tout seul, la laissa clouer sur lui, sans essayer le moins du monde de déchiqueter les doigts des ouvriers, reçut avec une reconnaissance visible les morceaux de viande que le maître coq du bâtiment lui donnait avec une régularité qui faisait honneur à sa philanthropie. Et 3 jours après son installation à bord, il me présentait sa tête pour que je la grattasse comme on gratte les perroquets. Seulement, une fois arrivé à Saint-Germain, Michel essaya inutilement de lui faire dire le « gratte coco » sacramentel. Et voilà comment je rapportais d'Algérie un vautour qui me coûta 40 000 francs et ne coûtait que 10 000 francs au gouvernement.